Wesh, cousin, cousine, mes frères et mes sœurs. Wesh, le 93 est là aujourd'hui pour parler de l'autorité, pour dire qu'il y en a marre de se positionner comme ça devant tous ces gars devant qui on doit s'écraser. Wesh, double wesh. Défier l'autorité, violence encadrée, répertorier son errance, approuver en silence d'un air éclairé. Ils sont plus aveugles, on tombe et on bugle. Walhalouf, arrête de beugler comme ça, vas-y, change ta vie, danse ta vie. Oh, espèce de halouf, quoi. Dictature. Arrêtez de circuler, stoppez noir, rebeu ou enrobé, caramel pourri et prison à âge indéterminé. Arrêtez de grandir, de médire, de Paris à Hatch et papier à la fraise, Air Pistache France veut vous faire voyager. Le corps au bord de la lèvre et on guette la mouchette qui s'écrase dans ta plaie obsolète. Elle est top secrète, t'es bête et t'es fière de tes racines. Lambda, libérée par le peuple en grève qui crève et qui compte sur toi, mais merde. La ferme, tu fais peine à ton ego. Si t'as une once de fierté, marche dans le caniveau. Sans loto, sans une thune, sans amis, sans garde du corps à ton effigie. Et j'y, ici, que l'on puisse rire en famille. Arrêtez de circuler, stoppez noir, rebeu ou enrobé, caramel pourri et prison à âge indéterminé. Arrêtez de grandir, de médire, de Paris à Hatch et papier à la fraise, Air Pistache France veut vous faire voyager. Il était une fois un petit garçon qui s'appelle Mahmoud et son copain Mamadou aimait bien Christian. Mais la famille de Christian n'aimait pas Mamadou. Ou bien Mahmoud, je ne sais plus lequel. Pauvre Christian, un enfant futur déprimé. Un enfant futur déprimé. À l'école, ça bug, ça ne dé que pour l'élite et flûte. Deux ou deux bics, mon latin s'écorche en public. Et qu'est-ce que c'est? La prochaine réplique, je suis pas sûre d'être sur le beat. Beat, je sais pas, je suis sur le beat ou pas? Je sais pas, hein. Beat, j'essaye. Président d'Adam, notant une surpopulation croissante, édenté par les dettes lentes affichées sur toutes les ventes. Des ancêtres immigrés donnent envie de protéger ses peurs, donnent envie comme notre président de virer les gens de couleur. Tous les gris siam, moi ou les blonds bronzés, quelle teinte êtes-vous, peuple français? Il y a des séjours à gagner. Maman. Ouais, super! Où est-ce qu'on va cette année? Des séjours à gagner. Des séjours à gagner. Afrique, à Alger. À Alger. Arrêtez de circuler, stoppez noir, rebeu ou enrobé, caramel pourri et prison à âge indéterminé. Arrêtez de grandir, de médire, de Paris à Hatch et papier à la fraise, Air Pistache France veut vous faire voyager. Air France. Gousset, Flori, Blanin, Alajibay, Kumusto. Air Maroc. Gousset, Flori, Blanin, Alajibay, Kumusto. Air Tamer.